إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، maintenant on continue inshallah. On est arrivé au cours 23 et on est dans le point maintenant 62. Donc on va commencer tout de suite avec le point 62, comme je disais. Et le thème de ce point, c'est Istinfar al-Muluk did Ahl al-Haq. C'est-à-dire que les gens de la Jahiliya, une de leurs méthodes qu'ils utilisaient contre les prophètes, c'est d'essayer de mettre les rois et les dirigeants contre les gens de la vérité. Hein, de créer une opposition entre les gens de la vérité, entre les prophètes, entre les prophètes et les dirigeants, c'est-à-dire de les mettre les uns contre les autres, ou de faire en sorte que les dirigeants opposent les prophètes. Donc créer de l'animosité ou des problèmes entre les dirigeants et les prophètes. Ça, c'est une de leurs ruses, c'est une de leurs méthodes. Donc il dit ici le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا أو فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que lorsque ces gens-là, les gens de la Jahiliya, ont été écrasés par la preuve, on a établi la preuve contre eux, ils ne savent plus quoi faire maintenant, ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus de shubuhat, on les a complètement réfutés. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont se plaindre aux dirigeants. Ils vont se plaindre aux dirigeants. Et il mentionne l'exemple, il dit, comme ils ont dit à Moussa, comme ils ont dit à Pharaon, à propos de Moussa, est-ce que tu vas laisser Pharaon et son peuple faire du désordre sur la terre? Ça, c'est le verset 127 dans Surat Al-A'raf. Donc le Cheikh Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il explique cette partie-là. Il dit, من مسائل أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا غلبوا بالحجة لجأوا إلى الشكوى إلى السلطان. ومعنى غلبوا بالحجة أي أقيمت عليهم الحجة على بطلان ما هم عليه، ولم يكن لهم حجة يقاومون بها، فإنهم يلجؤون إلى القوة لمنع القائم بالحق، كما قال فرعون لموسى عليه السلام، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ولما لم يكن عنده حجة يرد بها على نبي الله لجأ إلى قوة السلطان فقال لأجعلنك من المسجونين، وهذه طريقة المهزومين. وكذلك آل فرعون وهم أتباعه لما انتصر عليهم موسى عليه السلام في المحفل العظيم الذي عقدوه، وجمع فرعون السحرة من مشارق الأرض ومغاربها لأجل أن يبطل ما مع موسى من الآيات، لأنه يزعم أنه ساحر، فجمع السحرة وطلب من موسى تحديد الموعد من أجل عرض ما معه وما مع السحرة، من أجل أن يموه على الناس أن عنده ما يقاوم ما مع موسى من المعجزات. Donc le cheikh explique, il dit que parmi les questions de la jahiliya, il y a le fait que lorsqu'on les a écrasés par la preuve, ils se retournent vers le dirigeant pour se plaindre. Et la signification de l'expression que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a utilisée, Ghulibu bil Hujja, c'est-à-dire on les a écrasés, on a eu le dessus sur eux par la preuve, c'est-à-dire qu'on a établi la preuve contre eux de la fausseté de ce qu'ils pratiquent, et qu'ils n'ont pas d'autres arguments ou de contre-arguments, donc là qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers l'autorité, vers la force, pour essayer de faire stopper ou d'arrêter la personne qui défend la vérité. Hein? Et donc, yani, on voit l'exemple de ça dans ce que Pharaon a dit à Moussa alayhi salam dans Surat al-Shu'ara, verset 29. Pharaon il dit à Moussa, si tu prends une autre divinité que moi, je vais te mettre parmi les emprisonnés. Hein? Je vais te mettre en prison. Donc, étant donné qu'il n'avait pas d'argument, il n'avait aucune preuve contre le prophète d'Allah, il s'est tourné vers son autorité, vers sa force. Hein? Et il a dit, je vais te mettre parmi les gens qui sont en prison. Comme si c'était un argument. Hein? Et donc, le fait qu'il emprisonne Moussa, est-ce que ça prouve qu'il est sur la vérité? Non. Est-ce que ça rajoute un argument pour lui? Non. C'est juste que c'est un moyen qu'il utilise pour arrêter Moussa. Au lieu d'accepter le message que Moussa lui amène, au lieu d'accepter la preuve que Moussa lui a montré et les miracles qu'il a fait, et donc il refuse de l'accepter par orgueil et il préfère rejeter ça et le menacer, hein, en disant que si tu prends une autre divinité que moi, je vais te mettre parmi les gens qui sont emprisonnés. Donc ça c'est l'attitude des gens qui sont qui ont été écrasés par la preuve, qui ont été, c'est-à-dire on a eu le dessus sur eux, et donc étant donné qu'ils n'ont plus d'arguments, ils utilisent cette méthode, hein? Et encore aujourd'hui et depuis même après c'est pas seulement à l'époque de Moussa que ces choses-là se sont produites, même après l'époque de Moussa alayhi salam, des gens ont toujours pratiqué ce genre de choses. Ça c'est la méthode des gens qui ont été qui ont été écrasés par la preuve, on a établi la preuve contre eux, ils ne savent plus quoi dire ou quoi faire. Alors ils utilisent ce genre de méthode. Il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres sortes de méthodes également, mais ça c'est une de leurs méthodes. Et c'est pas seulement à l'époque de Moussa que ça s'est produit, des choses comme ça. Ça s'est passé également à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et entre les deux, et également ça s'est passé aussi à l'époque de des ulamas de l'islam à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on voit des choses comme ça. Hein? On voit encore des choses comme ça. Donc, ça c'est des exemples. Et ensuite, donc, le Cheikh il dit, de même que, qu'est-ce que les gens de Pharaon ont fait, la famille de Pharaon et ceux qui étaient avec lui. Lorsque Moïse a eu le dessus sur eux et que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Moussa lorsque Pharaon avait réuni tous les sorciers pour affronter Moussa alayhi salam, ils avaient organisé une grande rencontre entre Moussa alayhi salam et les sorciers. Donc Pharaon a fait ramener tous les sorciers de l'Est et de l'Ouest dans le but d'arriver à essayer d'écraser les preuves de Moussa alayhi salam. Hein, parce que Pharaon pensait que Moussa alayhi salam était un sorcier. Alors il a demandé qu'on assemble tous les sorciers ensemble pour compétitionner contre Moussa alayhi salam, pour essayer d'écraser Moussa et d'avoir le dessus sur lui, hein, et de renier la preuve qu'il a ramenée. Alors les sorciers se sont tous rassemblés et il a demandé donc à Moïse donc d'établir ce rendez-vous, à Moussa d'établir cette rencontre, dans le but de que chacun des deux présente ce qu'il a comme signe, comme preuve, ou bien comme sorcellerie, comme il prétendait, et dans le but que les gens voient que Pharaon est plus fort que Moussa alayhi salam et qu'il est capable d'opposer. Qu'est-ce que Moïse a ramené comme preuve, comme miracle? Parce que surtout que les gens, c'est comme ça. Les gens, surtout quand ça atteint la masse, hein, la population, les gens, quand ils voient des signes comme ça et des preuves, les gens risquent de croire, hein, les gens vont croire en Moussa alayhi salam. Et Pharaon ne veut pas que les gens croient en Moussa alayhi salam et en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il veut essayer d'écraser les miracles de Moïse devant tout le monde, pour que tout le monde sache que c'est lui qui est sur la vérité et que ses sorciers sont plus forts que Moussa alayhi salam. Donc il a, c'est ça son but. Donc le cheikh il dit, cheikh al-Fawzan il dit, فلما حان الموعد اجتمع الناس من اجل مشاهده ما يحصل والقى السحره ما معهم من السحر وامتلأ الوادي من سحرهم وما معهم من العسي والحبال التي حشوها بالزئبق وبمواد تحركها كأنها حيات ويريدون أن يضاهئوا ما مع موسى من المعجزة وهي الحية التي تتحول من العصا التي معه فجاءوا بسحر عظيم كما قال الله تعالى حتى إن موسى عليه السلام خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى خاف أن يلبس على الناس وإلا فهو واثق بما معه واثق بنصر الله ولكنه خاف أن يلبس على الناس لأنهم جاءوا كما قال الله وجاءوا بسحر عظيم. Donc le cheikh il explique que lorsque le rendez-vous est arrivé, les gens se sont tous rassemblés dans le but de témoigner de ce qui va se produire. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les sorciers ont tous lancé ce qu'ils avaient comme sorcellerie. Ils ont commencé à remplir la vallée de ce qu'ils avaient comme sorcellerie avec eux, hein, ils lançaient des bâtons et des cordes, hein, qu'ils avaient remplis d'une substance qui donnait l'impression que ces bâtons ou que ces cordes, elles bougeaient comme des serpents, hein. Et donc ils veulent par ce genre de sorcellerie essayer de copier ou d'imiter ce que Moïse a ramené comme miracle. C'est-à-dire que étant donné que Moussa alayhi salam il a un bâton et que quand il lance ce bâton, le bâton se transforme en un vrai serpent vivant, hein, alors eux ils essaient d'imiter la même chose que Moussa alayhi salam. Ils pensent qu'ils sont capables de copier ce que Moussa possède. Alors ils ont ramené cette magie et Allah subhanahu wa ta'ala il dit فجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. Donc c'est une sorcellerie qu'ils ont ramené, une magie qui était grande. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala la qualifie de grande. Hein? Et donc même que il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne, que même Moussa alayhi salam a eu peur. Et il mentionne le verset 67 dans surat Taha. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. C'est-à-dire même Moussa alayhi salam il a eu une crainte, une certaine crainte en lui-même. Et le cheikh explique que cette crainte c'était pas une crainte de perdre face aux sorciers, c'était pas parce qu'il manquait de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'était pas une crainte par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. La crainte qu'il avait c'était plutôt de voir que les gens se laissent tromper, hein, et que les sorciers réussissent à emballer les gens et à leur faire croire en leur sorcellerie. Mais sinon, il était totalement confiant de ce qu'il avait avec lui et confiant de la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il craignait, comme le cheikh explique, qu'il craignait qu'ils trompent les gens avec leur magie, que les sorciers trompent les gens. Parce qu'ils ont ramené, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 116 dans surat Al-A'raf, وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Ils ont ramené une magie très grande. Après, le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit, فَأَمَرَ اللَّهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بِإِلْقَاءِ الْعَصَى فَأَلْقَاهَا فَصَارَتْ حَيَّةً عَظِيمَةً وَابْتَلَعَتْ كُلَّ مَا أَلْقَوْهُ حَتَّى خَافُوا أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ وَنَاشَدُوا مُوسَى أَنْ يَمْسِكَهَا عَنْهُمْ لأنهم خافوا أن تصل إليهم وعند ذلك فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لأنهم عرفوا أن ما مع موسى ليس سحرا فلما آمن السحرة وسجدوا لله عز وجل هددهم فرعون بالقتل والصلب فقتل السحرة الذين آمنوا وتابوا إلى الله وصلبهم ثم التفتوا إلى بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى وقالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين الشاهد من هذا أنهم طلبوا منه اللجوء إلى القوة واشتكوا إلى فرعون ليقهر هذا الحق وهذا الإيمان وهذا فعل أشباههم في كل زمان ومكان. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moïse de lancer son bâton. Et donc Moussa alayhi salam a lancé son bâton et il est devenu un grand serpent, un très gros serpent. Et il a avalé tout ce que les sorciers ont lancé. Ce serpent a avalé tout ce que les sorciers avaient lancé. Et les sorciers ont même eu peur que ce serpent géant vienne sur eux. Alors ils ont commencé à demander à Moussa alayhi salam de retenir le serpent parce qu'ils craignaient que le serpent même les atteigne. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans Surat Al-A'raf, le verset 118 à 122. Il dit فوقع الحق, la vérité est arrivée à ce moment-là, s'est produite et ça a annulé complètement tout ce qu'ils avaient fabriqué comme sorcellerie. Et ils ont et Moussa alayhi salam a eu le dessus. Donc ils ont été écrasés à ce moment-là par les miracles de Moïse et ils s'en sont retournés humiliés. Et donc, ils se sont tous prosternés. Hein? Ils se sont jetés par terre, prosternés, hein? Par respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, nous croyons en le Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et de Haroun. Seigneur de Moussa et de Haroun. Donc, le verset 118 à 122 dans Surat Al-A'raf. Donc, pourquoi ils se sont prosternés? Pourquoi ils ont reconnu leur foi en le Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et de Haroun, de Moussa et de Haroun, parce qu'ils ont su que ce que Moussa alayhi salam a ramené, ce n'est pas de la sorcellerie. Hein? Parce qu'un sorcier ne peut pas faire ça. Eux-mêmes sont des sorciers, ils connaissent la sorcellerie. Hein? Et les sorciers, étant donné qu'ils connaissent la sorcellerie, ils savent qu'un sorcier ne peut pas faire des choses comme ça. Hein? Un sorcier ne peut pas arriver à faire des choses comme ça. Alors, c'est-à-dire, ils connaissent les trucs. Hein, ils connaissent les trucs de magie, ils connaissent les trucs de sorcellerie et ils savent leurs limites. Hein, ils savent qu'un être humain ordinaire ne peut pas faire de ce genre de choses et que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Alors ils se sont tous prosternés et c'est pour ça qu'ils ont reconnu que ce que Moussa a ramené c'était un miracle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Pharaon, au lieu de reconnaître la vérité et d'accepter le miracle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu les sorciers se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, il les a menacés de les tuer ou de les crucifier. Et donc il les a même accusés d'être des associés ou des complices de Moussa alayhi salam en disant que Moussa était leur chef et que c'était lui qui leur avait enseigné la sorcellerie. Donc vous voyez comment il est malhonnête. Et donc il les a menacés de les tuer. Et donc il a tué tous ceux qui ont cru parmi les sorciers, tous ceux qui ont cru et qui s'étaient repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a fait tuer et il les a fait crucifier. Thumma iltafatu. Donc ensuite ils se sont tournés vers les fils d'Israël qui ont cru en Moussa. Et ils ont dit à Pharaon, est-ce que tu vas laisser Moïse, Moussa et son peuple faire la corruption et le désordre sur la terre et abandonner ta divinité ou ton adoration? Parce que ces gens-là, ils avaient une religion, hein, les gens de Pharaon. La religion de Pharaon et du peuple de Pharaon, c'était quoi? C'était l'adoration de Pharaon, hein, et de sa famille. Donc ces gens-là, ils considéraient leur roi et leurs dirigeants comme étant des divinités. Et ils demandaient toujours au peuple de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les conseillers de Pharaon, ils disent à Pharaon, est-ce que tu vas laisser Moïse et son peuple faire le désordre sur la terre et t'abandonner, toi et ton adoration, hein? Et Moïse a dit, Pharaon a dit, nous allons faire tuer leurs fils et laisser leurs femmes en vie. Et nous avons le dessus sur eux et la force sur eux. Et ensuite, il dit, et Moïse dit à son peuple, cherchez l'aide en Allah subhanahu wa ta'ala et soyez endurants. La terre appartient à Allah et il la donne en héritage à qui il veut de ses serviteurs. Et la bonne conclusion est toujours pour les pieux. Et ça, c'est le verset 127 et 128 dans Surat Al-A'raf. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu expliquer? Et c'était quoi le shahid? C'était quoi le but de qu'est-ce qu'on voulait prendre comme témoignage dans toute cette histoire-là par rapport à ce point? Hein? Le fait qu'on a expliqué que ces gens-là, ils essaient de mettre les dirigeants contre, ou les rois contre les gens de la vérité. C'est qu'ils se sont retournés vers la force. Lorsque ils ont été écrasés par l'épreuve, ils se sont tournés vers Pharaon, ils se sont plaints à Pharaon pour que Pharaon écrase, hein, la vérité par son autorité, hein, qu'il réprime la foi, hein, et la vérité par son autorité et par sa force, hein. Et donc ça, c'est l'attitude de ces gens-là. Et ça, c'est à toutes les époques et dans tous les endroits, dans tous les lieux. Ça ne se limite pas juste à l'histoire de Moussa. Et ce n'est pas seulement à cette époque, ni à cet endroit-là en Égypte. Ça se reproduit également dans d'autres endroits dans le monde et à d'autres époques. Maintenant, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne ensuite les points 63 à 67. Il mentionne les points al-masa'il min al-rabi'a wa al-sittoun ila al-sabi'a wa al-sittoun. Je m'excuse, hein, j'ai quelque chose dans la gorge. Non. Donc, en quoi consistent ces différents points? Cheikh il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, ramyuhum ahl al-haq, ramyuhum ahl al-haq bis sifat al-dhamima, wa ramyuhum iyyahum bil fasad fil ard, kama fil aya, wa bi intiqas din al-malik wa alihatihi wa tabdil al-din. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que les gens de la Jahiliya, ils accusent les gens de la vérité et ils leur lancent toutes sortes de fausses accusations et des descriptions ou des qualificatifs, rabaissants. Hein, ils essaient d'utiliser des termes pour les qualifier qui sont des termes dénigrants ou pour essayer de les blâmer. Et il les accuse également de faire le désordre sur la terre, comme c'est mentionné dans le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Et également, ils essaient de dire que ils essaient de chercher à rabaisser la religion du roi et sa divinité. Et également de changer la religion du peuple, de la population. Donc ça, c'est des accusations que les gens faisaient contre les prophètes à l'époque. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique chacun de ces points-là. Dit ومن مسائل ومن من مناهج أهل الجاهلية كذلك أنهم لا يكتفون بالشكوى إلى أصحاب القوة والانتقام بل يصفون أهل الإيمان بالمفسدين في الأرض كما قالوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض سموا الإصلاح إفسادا والحق هو العكس أن الإيمان والتوحيد إصلاح في الأرض وأن الكفر والمعاصي والفسوق والظلم والطغيان إفساد في الأرض فالذي عليه موسى وقومه إصلاح والذي عليه فرعون وقومه إفساد لكنهم عكسوا الأمر فسموا الإصلاح إفسادا وهذا دأب الكفار والمشركين والمنافقين دائما يسمون المصلحين والدعاة إلى الله على بصيرة يسمون المصلحين والدعاة إلى الله على بصيرة ويسمون المؤمنين الموحدين الذين يدعون إلى توحيد الله وعبادته يسمونهم بالمفسدين في الأرض. Donc le cheikh explique que parmi les méthodes utilisées par les gens de la Jahiliya également, en plus de ce qu'on a mentionné tout à l'heure, et ils ne se limitent pas juste à se plaindre auprès de ceux qui possèdent la force, hein, et ils ne se limitent pas uniquement à la vengeance. Ils utilisent également des sobriquets et des qualificatifs de blâme ou des qualificatifs négatifs pour des termes péjoratifs pour blâmer les gens qui font le bien, qui appellent au tawhid, qui appellent à la foi. Et ils disent à leur sujet que ce sont des gens qui veulent faire le désordre sur la terre. Pour eux, les gens de la foi, les gens qui appellent à l'Iman, sont considérés comme des gens qui font la corruption et le désordre sur la terre. Comme Pharaon a dit justement à propos de Moussa. Atadharu Moussa wa qawmahu liyufsidu fil ard, comme ils ont dit à Moïse, pardon. Donc ils ont dit, est-ce qu'on va laisser Moïse et son peuple faire le désordre sur la terre? Verset 127 dans Al-A'raf. Ensuite, ils appellent également, donc, on voit comme on le voit dans ce verset-là, la réforme et le fait qu'on essaie de ramener le bien dans la société, d'appeler au bien, eux, ils considèrent que c'est du désordre. Et la vérité, c'est le contraire. La vérité, c'est que la foi et le tawhid, ça, c'est la réforme sur la terre. Et le désordre, c'est quoi? C'est le kufr, la mécréance, al-ma'asi, les péchés, al-fusuq, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-zulm, l'injustice, et al-tughyan, la transgression des limites d'Allah. Tout ça, c'est le désordre sur la terre. Et qu'est-ce que Moussa, alayhi salam, et son peuple ramènent? Ça, c'est al-islah, c'est-à-dire la réforme. On essaie de ramener le bien, le tawhid et la foi. Donc, ce que Pharaon pratique, de même que son peuple, ça c'est la corruption et le désordre. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé l'affaire. Ils ont essayé de mettre les choses à l'envers. Donc la réforme et le bien, ils l'ont nommé corruption et désordre. Et le bien la corruption et le désordre, ils l'appellent réforme. Et ça, c'est l'attitude et le comportement des koufars et des mouchriquins et des munafiqins. Ils utilisent toujours cette méthode. Et ils font toujours ça à toutes les époques. Encore aujourd'hui même. Les gens qui appellent au tawhid, qui appellent à la sunna, qui veulent combattre le shirk, qui veulent combattre le kufr, qui veulent combattre la bid'a, qui veulent combattre toute forme de péché, ils les traitent des gens qui sont... des gens qui veulent faire le désordre sur la terre. Et ils considèrent que ceux qui appellent à leur système, à leurs idéologies, qui appellent à la liberté, l'égalité, qui appellent à la démocratie, la laïcité, les idéologies des koufars, eux, ils considèrent que ce sont des gens qui appellent à la réforme et qui veulent le bien sur la terre. Ceux qui appellent à l'islam, au tawhid, à la sunna, qui combattent le shirk et la bid'a, eux, pour eux, ce sont des gens qui font le désordre. Donc ça, c'est comment ils renversent toujours les choses à l'envers. Et ils veulent faire paraître le bien comme étant mal et le mal comme étant bien. Et c'est comme hier, par exemple, je suis parti dans une mosquée pour faire une khutba. Et j'ai expliqué un peu les questions qui ont rapport avec le tawhid et qui ont rapport avec le fait de s'unir sur la vérité et de mettre en garde en même temps contre les différentes tendances et les différents groupes qui appellent à des formes de bid'a ou de shirk ou de kufr et des choses qui sont contraires à l'islam, hein, de la part de certaines sectes ou de certains groupes. Et après la khutbah, subhanallah, il y a un homme qui était vraiment en colère et vraiment fâché de ce que j'avais dit dans la khutbah. Et il m'a dit, comment tu peux critiquer tous les écoles islamiques, hein? Il m'a dit, tu n'as rien laissé. Tu critiques les Mu'tazila, tu critiques les soufis, tu critiques les Shia, tu critiques tout le monde. Tu n'as laissé personne. J'ai dit, j'ai laissé Ahlus Sunnah wal Jama'a parce que c'est la vérité. Hein? Il a dit non, il faut laisser toutes les écoles, ils ont le droit, il faut les laisser, il ne faut pas blesser les personnes, il ne faut pas parler contre les personnes. Il dit, j'ai pas parlé contre une personne en particulier, j'ai parlé de ceux qui suivent ces bid'as et ces égarements-là. Il m'a dit, mais non, les gens ont le droit d'être soufis, les gens ont le droit d'être mu'tazila, chacun a le droit de suivre ce qu'il veut, hein? Ce sont des écoles islamiques, il faut les respecter. J'ai dit, est-ce que les sahaba étaient mu'tazila? Est-ce que les sahaba étaient soufis? Est-ce que les sahaba étaient shi'a? Il m'a dit non, c'est venu après. Donc je lui ai dit, kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin finnar. Toute bid'a est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. Hein? Donc ça c'est pourquoi, parce que parmi les gens dans les mosquées, il y a des gens qui font partie de ces gens de bid'a et de ces groupes de bid'a. Et quand on met en garde contre eux, et quand on explique leurs bid'as et leurs égarements et qu'on les critique, ils se sentent visés et ils se mettent en colère. Hein? Mais même si devant les gens, ils ne disent jamais qu'ils appartiennent à une secte ou à un groupe en particulier, mais quand on les pique, hein, quand on les pique ou on mentionne leur bid'as et qu'on la critique publiquement, là ils se sentent offensés, ils se sentent offusqués et ils veulent... Hein, tout d'un coup, ils apparaissent. Hein? Ils font paraître leur colère et leur haine contre la sunna et contre les gens de la sunna. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre en garde contre les groupes de bid'a et contre les tendances d'égarement et les sectes devant les musulmans en général, pour que les gens soient avertis par la suite et qu'il y ait une distinction qui soit faite entre ceux qui aiment la sunna et qui aiment la vérité et ceux qui se cachent, hein, et qui cachent leurs innovations et qui essaient d'appeler les gens à l'égarement en secret ou en privé, hein, et qui indirectement donc essayent d'égarer les musulmans et les appeler à toutes sortes d'innovations. Donc tout ça m'a fait penser à ça aussi, le fait que ces gens-là y prétendent que d'appeler à la sunna, c'est une forme, c'est quelque chose de mal, c'est très grave, hein, comme la personne m'a dit, c'est très grave qu'est-ce que tu as fait, c'est très dangereux. Subhanallah. D'appeler à la sunna et au tawhid et de critiquer les bid'a, ça c'est dangereux. Et d'appeler à la bid'a et laisser les gens dire et faire ce qu'ils veulent, ça c'est pas dangereux. Donc ça c'est un bon exemple de ça. Donc, ils appellent, comme le cheikh il dit, ils appellent les gens qui appellent à la réforme, les gens qui appellent au tawhid, les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala avec compréhension, avec science, ils les appellent des gens qui font le désordre sur la terre. Ils appellent les croyants, les gens qui sont sur le tawhid, qui sont muwahidoun, hein, qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala, qui appellent au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son adoration, ils les appellent des gens qui font le désordre sur la terre. Et le cheikh il dit, وَهَذَا شَيْءٌ مُسْتَمِرٌ فِي النَّاسِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَهْلُ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ يُسَمُّونَ الْمُصْلِحِينَ بِالْمُفْسِدِينَ وَهَذَا مُنْحَدِرٌ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى مِنْ وَقْتِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَهَذَا لَا يَضُرُّ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَلَا يَضُرُّ أَهْلَ الْإِصْلَاحِ وَإِنْ لُقِّبُوا بِمَا لُقِّبُوا فَكَمْ لَقَبُوا أَهْلَ الْحَقِّ والدعاة إلى الله بالشناعات ولقبوا شيخ الإسلام ابن تيمية بألقاب شنيعة ولقبوا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بألقاب شنيعة وأنه خارجي وأنه يريد أن يغير عقيدة الناس ويكفر الناس إلى آخر ما يقولون مما هو موجود في كتبهم من الاتهامات والتزوير والشر وهذا موقفهم من كل مصلح. الشيخ explique, il dit, et ça c'est quelque chose qui continue jusqu'au jour de la résurrection. Les gens du kufr, les gens du zulm, les gens de la transgression, de l'injustice, ils nomment toujours les gens qui font la réforme, ils les appellent des corrupteurs, des gens qui font le désordre. Et ça, c'est quelque chose qui est présent à l'époque des premiers siècles, à l'époque de Pharaon et de son peuple. Et il dit que ça, ça ne nuit en rien les gens de la foi. Et ça ne nuit en rien aux gens de la réforme. Même si on les surnomme et on leur donne n'importe quel surnom ou n'importe quel sobriquet, on essaie de leur donner un nom, les gens de la vérité et les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ça leur nuit en rien. Il dit qu'on appelle ceux qui invitent à Allah subhanahu wa ta'ala par des noms qui sont laids ou des noms pour essayer de les faire fuir, hein, plutôt de faire fuir les gens, hein, de leur da'wah. Hein, regardez, il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, regardez combien de titres dénigrants ou déplaisants on lui a donné de la part des gens de bid'ah, de la part des kuffars, hein, comment il parle de lui de façon déplaisante et qu'il lui donne des titres ou des qualificatifs ou des surnoms ou des sobriquets pour essayer de le dénigrer. Et de même qu'ils ont nommé le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par toutes sortes de surnoms et de sobriquets dénigrants ou rabaissants. Hein, ils ont dit à son sujet que c'était un khariji, hein, qu'il appelait à la fois des khawarij ou des choses de ce genre. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit par exemple qu'il voulait changer la aqidah des gens et qu'il faisait le takfir des gens. Hein, ainsi de suite. Hein, et toutes les mensonges qu'ils ont dit à son sujet sont bien connus. Et on en a parlé de ça dans d'autres cours, hein, comme on a fait les shuruh ou la aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, le sharh de la aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. On a mentionné ces mensonges-là et on a réfuté ces mensonges-là. De même que, également, les accusations qu'ils ont faites contre lui, on en a réfuté quelques-unes dans sa biographie, dans le cours qu'on avait fait sur l'introduction de Al-Usul al-Thalatha du Cheikh Abdullah al-Fawzan qu'on avait fait. On a fait le premier cours, c'était sur sa biographie. Donc, ça c'est pour faire comprendre que ces gens-là, ils essaient toujours de donner une mauvaise image et de donner des surnoms et des sobriquets déplaisants et négatifs aux gens qui appellent au tawhid, qui appellent à la sunna, qui appellent à l'islam véridique. Et donc, ça on l'a entendu et on l'entend encore. Mimma huwa mawjoudun fi kutubihim, donc min al-ittihamat wa tazwir wa shar, les gens qui opposent cette da'wa, on retrouve leurs paroles dans leurs livres et dans leurs accusations, leurs falsifications et le mal qu'ils propagent à propos des grands ulamas et des gens qui appellent à la réforme. Et ça, c'est la position des gens du mensonge face à toute personne qui appelle à la réforme. Hein? Et en même temps, il y a des gens parmi les khawarij qui sortent maintenant, on en voit de plus en plus de ces genres de blogs ou de ces genres de sites, des gens qui essaient d'utiliser les références des livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou des élèves du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui font, ils essaient d'utiliser ces livres-là comme référence pour faire le takfir des gens, pour faire le takfir des dirigeants. Et ils suivent la méthode et la voie des khawarij. Hein. Ils opposent la méthode et les fondements, le manhaj du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de ses élèves et de ses descendants et de ceux qui ont étudier avec lui ou les élèves des élèves de leurs élèves qui sont vivants encore aujourd'hui parmi ceux qui sont disons qui ont étudié avec des élèves de ces shuyukh, hein, et de ces du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, hein, ils opposent le manhaj de ces grands ulama hein, ils opposent le manhaj de ces chouyours, ils font le takfir de certains individus ou de certains dirigeants en utilisant ces chouyours-là comme des références. Toutefois, ils contredisent les fondements de ces grands ulama. Et ils ont sorti un grand nombre de différents sites, de différents blogs dans lesquels ils mettent leurs textes et leurs audios, qui sont des audios et des textes qu'ils ont écrits eux-mêmes. Et la plupart du temps, on remarque que ce sont des inconnus, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont connus comme étant des ulama. Et en même temps, ils font dans ces livres-là leurs propres déductions. Et leur takfir n'est pas fondé, n'est pas basé sur les principes et les règles d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais leur takfir est basé sur les principes des Khawarij. Hein. Et donc, yani, on en retrouve plein de ces genres de sites-là parmi ceux qui se donnent des noms comme Ansar al-Tawhid, ou bien Al-Muwahidun, ou bien Millat Ibrahim, ou bien des titres de ce genre. Et ils essaient donc de mélanger les gens, parce que dans leur site on voit des choses, des termes qui sont utilisés par les salafs, par les ulama salafiyin et par les salafis, comme par exemple le tawhid, ou par exemple la défense de la sunna, la défense du tawhid, la défense de la aqida, et ils mentionnent les ulama salafis et tout ça. Donc les gens, quand ils voient ça, ils s'imaginent que ce sont des sites salafis. Puis, en fait, qu'est-ce que tu retrouves là-dedans? C'est la voix des Khawarij, qui est une déformation, en fait, de qu'est-ce qui est enseigné dans les livres des ulama salafiyin, et des fausses interprétations de ce que les ulama ont dit, et parfois même des mauvaises traductions. Donc, il faut faire attention, justement, de ne pas se laisser tromper, parce que ça arrive souvent que des gens envoient des liens vers des articles de ces sites-là où ils ont trouvé des informations qui semblent parfois qui peuvent parfois sembler être bonnes ou bien, puis finalement quand on retourne à ces sites-là et qu'on recherche un peu plus profondément dans les différents textes qui sont présents dans ces différents sites, on réalise qu'ils sont sur la voie des Khawarij et les références qu'ils mentionnent sont des références parmi les takfiriyin contemporains ou bien parmi d'autres individus douteux qui sont loin de la science et de la voie des salaf salih. Donc, c'est un petit rappel en passant pour mettre en garde contre ce genre de site. Et en général, yani, il faut toujours se référer aux sites qui sont connus, où il y a les références des ulama salafiyin, hein, et des gens de confiance. Donc ensuite le cheikh il dit, cheikh al-Fawzan il dit, wa amma ramyuhum iyyahum bintiqas din al-malik. Ça c'est le deuxième point qui est mentionné, ou bien un des points qui est mentionné parmi dans ces points là. Amma ramyuhum iyyahum bintiqas din al-malik, kama qala ta'ala wa yadharaka wa alihatak الآيات, وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم مما عليه أهل الجاهلية ومن تشبه بهم, وهو تحريض أصحاب السلطة على المؤمنين والدعاة إلى الله على بصيرة ومنهج سليم بأنهم يفسدون على أصحاب السلطة دينهم وسياستهم, وإذا نصحوهم وأرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح ملكهم, كما قال تعالى حكاية عن آل فرعون, وما سعوا به عند فرعون من الوشاية, ولما دعوا موسى عليه السلام إلى ولما دعاه موسى إلى عبادة الله وحده لا شريك له التي فيها صلاحه وصلاح ملكه وصلاح رعيته, وقالوا له إنهم سيفسدون الناس عليك ولا يكون لك ربوبية ولا إلهية على الناس, ويحولون الناس من عبادتك إلى عبادة الله, وهذا من باب إغراء فرعون من باب إغراء فرعون بأنه إن ترك هؤلاء فإنهم سيصرفون الناس عن عبادته وربوبيته، لأنه قال لهم أنا ربكم الأعلى. وفي الآية الأخرى ما عملت لكم من ما علمت لكم من إله غيري، ففسروا دعوة الرسل بأنهم إفساد في الأرض وأن الكفر إصلاح في الأرض، وهذا من قلب الحقائق ومن الغش للراعي والرعية، وما أكثر هذا الصنف الذي يقوم بهذه المهمة الشيطانية اليوم ممن يقودون الناس إلى الهاوية ويقفون في وجه المصلحين ويزورون الحقائق ويغررون بالسلطة، وهم بطانة السوء الذين يحولون أو يحولون بين المسؤولين وبين قبول النصيحة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح بطانتهم واجعلهم هداة مهتدين هداة مهتدين. لشيخ الإكسبليكي أما رمضهم. Donc en ce qui concerne le fait qu'ils donnent aux gens qui appellent à la vérité des sobriquets comme on l'a mentionné tout à l'heure, et il dit et également il les accuse également de vouloir faire tomber la religion du roi, de vouloir faire tomber la religion du dirigeant, comme c'est mentionné dans le verset 127 dans Sourate Al-A'raf. Il dit وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، c'est-à-dire il faisait peur à Pharaon, ou bien il mentionnait à Pharaon que s'il laissait Pharaon et son peuple faire leur da'wa sur le territoire, ils allaient faire en sorte que les gens abandonnent Pharaon et abandonnent son adoration, c'est-à-dire les gens allaient cesser d'adorer Pharaon. Donc ils essayaient de mettre Pharaon contre Moussa alayhi salam et son peuple en utilisant ce genre d'argument, en disant si tu laisses Pharaon et son peuple, ils vont changer la croyance ou la religion des gens et les gens vont cesser de t'adorer. Et il mentionne dans le verset 26 dans Surat Ghafir, il dit inni akhafu an yubaddila dinakum, j'ai peur qu'il change votre religion, ou an yuzhira fil ardi al fasad, comme il dit à la suite, ou bien qu'il répande le désordre et la corruption sur la terre. Donc ça c'est parmi ce que les gens de la Jahiliya faisaient et tous ceux qui leur ressemblent, d'essayer de d'inciter les autorités contre les croyants et contre les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala avec basir, avec connaissance et compréhension. On ne parle pas de ces groupes de hizbiyin, des tendances des islamistes, politiciens là, qui veulent appeler à des partis islamiques et à des élections et participer au système des kuffars, il y en a de la démocratie dans les pays musulmans, et qui s'opposent aux dirigeants et qui combattent les dirigeants musulmans dans les pays musulmans. Il y en a parmi eux qui font cette sorte d'analogie là, cette fausse analogie de comparer les dirigeants musulmans à Pharaon, parce qu'ils font certaines injustices peut-être parfois, que Allah les pardonne, que Allah les guide et les réforme. Mais ils les accusent du fait qu'ils font des injustices, certains dirigeants, ils les comparent à Pharaon. Alors, bien entendu, il n'y a pas de comparaison entre Pharaon et les dirigeants musulmans, puisque Pharaon c'est un ennemi d'Allah, un kafir qui se prétendait lui-même être divin, et qui appelait les hommes à son adoration, et eux ils comparent les dirigeants musulmans à cet individu-là, à ce tarot, Alors, il n'y a pas de comparaison, entre les deux. Mais il y en a qui essaient de faire cette comparaison parmi les Ikhwan et parmi également d'autres groupes, aussi parmi les groupes de Hizbiyin. Donc, étant donné qu'ils s'opposent aux dirigeants, puis qu'ils appellent le peuple à se rebeller contre les dirigeants et tout ça, donc là, par la suite, comme conséquence à ça, ils ont des ennuis avec les autorités. Et c'est bien normal puisque ils sont en train de faire toutes sortes de manifestations, en train de faire des attentats, en train d'essayer même de faire des assassinats, en train de faire des coups d'État. Donc c'est bien normal qu'ils aient des oppositions du dirigeant. C'est pas nécessaire que quelqu'un appel à l'islam pour avoir des problèmes avec le dirigeant dans ces choses-là. Puisque même les koufars qui font partie de groupes politiques qui ne sont pas islamiques, ils ont eux aussi des problèmes avec les dirigeants lorsqu'ils font ce genre de choses. Hein? Il y a combien de partis communistes ou socialistes qui opposent les gouvernements dans certains pays, qui sont emprisonnés ou qui ont des problèmes avec leur gouvernement parce que ils font ce genre d'action ou de choses, hein, et ils ont des problèmes, ils sont emprisonnés, ils sont opprimés ou torturés parfois à cause de leurs activités politiques qui sont des actes souvent qui sont des actes de terroristes ou bien des actes de violence ou des choses de ce genre ou de désordre sur la terre. Donc, si quelqu'un a des problèmes avec un dirigeant à cause des actes qu'il fait de ce genre, on ne peut pas les comparer à Pharaon, puisque ce qu'ils font, ce n'est pas appeler au tawhid et à la foi et à l'islam. C'est plutôt essayer juste d'opposer le dirigeant parce que il considère qu'il n'est pas juste ou des choses de ce genre, puis il veut le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est la différence entre l'exemple de Moussa alayhi salam et l'exemple de ceux qui appellent au tawhid par opposition à ceux aujourd'hui qui prétendent vouloir appeler à l'islam alors qu'en réalité ils ne font que faire des disputes pour le pouvoir, hein? Parce que Pharaon il voulait pas Moussa alayhi salam il voulait pas le pouvoir de Pharaon, il voulait pas devenir le dirigeant dans l'Égypte. Et c'était pas ça son objectif, c'était pas ça son but. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il voulait? C'est d'appeler les hommes au tawhid et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison pour laquelle il a eu des problèmes avec Pharaon, c'est à cause du fait qu'il l'appelait Pharaon à la foi et au tawhid et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi il a eu des problèmes et des ennuis. Donc, ici après, donc pour continuer, c'est pourquoi j'explique ça, c'est pour faire la nuance, Yannick, parce qu'il y a certains musulmans aujourd'hui qui regardent par exemple les problèmes qu'il y a eu en Algérie ou qu'il y a eu en Égypte ou qu'il y a eu dans d'autres pays musulmans, où il y a eu des partis islamiques qui ont eu des problèmes avec un dirigeant, et ils comparent ça avec l'histoire de Moussa et Pharaon, et bien entendu il n'y a pas de comparaison entre les deux, hein, ou en Tunisie qu'est-ce qui s'est passé avec les Ikhwan et tout ça, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Et il peut y avoir certaines ressemblances, mais il faut comprendre la source du problème et la source l'origine du conflit. Qu'il y a des grandes différences dans le fond, c'est-à-dire la da'wa, hein. Si quelqu'un il a des ennuis avec un dirigeant parce qu'il appelle au tawhid, à la ilaha illallah, parce qu'il explique aux gens l'islam et la réalité de l'islam sans utiliser les moyens qui sont contraires à l'islam que ces gens-là utilisent, hein, les moyens de démocratie ou de politique ou bien les moyens d'attentats terroristes ou des actes de violence, hein, et qu'il se limite à la sunna. Alors, s'il a des problèmes à cause de sa da'wa au tawhid et à l'islam, hein, sans qu'il ait dépassé les limites, alors dans ce cas-là, alhamdoulilah, c'est une épreuve pour lui. Hein, c'est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré par ce genre d'épreuve. Hein. Mais si c'est parce que lui-même il a dépassé les limites de l'islam et les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a des ennuis à cause de ça, là ça revient sur lui le problème et le tort. Donc le cheikh il dit donc ça c'est l'attitude des gens de la jahiliya, qu'ils essaient d'inciter les gens qui ont l'autorité contre les croyants et contre les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance et avec un manhaj qui est correct, hein, en disant d'eux que ce sont des gens qui veulent faire la corruption et qui veulent corrompre, hein, la société. Donc ils essaient de dire ces gens de la jahiliya, que les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent faire la corruption hein, entre le peuple et les dirigeants ou des choses de ce genre. Et qu'ils veulent corrompre la politique et la religion des dirigeants. Et lorsqu'on leur donne la nasiha ou qu'on leur les oriente vers ce qui est bon pour eux, vers qu'est-ce qui est une réforme, hein, on les appelle au tawhid et à la sunna, à l'islam et tout, hein, donc ils répondent en disant ces gens-là ils veulent faire la corruption et le désordre et des choses de ce genre. Donc comme on l'a dit plusieurs fois. كما قال تعالى حكاية عن آل فرعون وما سعوا به عند فرعون من الوشاية. Donc il dit ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu comme par exemple des proches de Pharaon, des fidèles de Pharaon, lorsqu'ils étaient autour de lui et qu'ils essayaient de faire des fausses accusations contre Moussa auprès de Pharaon. Et ils ont prétendu que ils voulaient faire le désordre. Donc quand Moïse appelle Pharaon à adorer Allah seul et de ne pas lui donner des associés, et dans ça, il y a bien entendu une réforme pour lui, une réforme pour son royaume, une réforme pour ses fidèles, pour son peuple. Eux, ils ont, les conseillers de Pharaon ont dit, hein, celui-là, il veut corrompre ton peuple, il veut corrompre les gens, les mettre contre toi. Il veut pas que tu aies une souveraineté ou une divinité auprès des gens, que les gens il veut que les gens cessent de t'adorer. Il veut, hein, détourner ou s'objecter ou se mettre entre les gens et ton adoration pour qu'ils adorent Allah. Et ça fait partie hein, des paroles qu'il disait à Pharaon pour tromper Pharaon, hein, pour tromper Pharaon et pour faire croire à Pharaon que s'il laisse Moussa et son peuple, ils vont détourner les gens de son adoration et de sa souveraineté, parce que Pharaon avait dit dans le verset 24 dans sourate An-Nazi'at, Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le très haut. Et dans l'autre verset dans sourate Al-Qasas, le verset 38, il a dit, je ne connais pour vous nulle autre divinité que moi, hein? Donc c'est comme ça qu'ils ont interprété la da'wa des messagers. Ils l'ont interprété comme étant une forme de corruption sur la terre, ou que le kufr, hein, c'était une réforme de la terre, tandis que la foi c'était une corruption sur la terre, hein. Et donc ils ont renversé les réalités, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est une forme de tromperie, hein, et de tricherie envers le dirigeant, et une forme de trahison et de tricherie également contre le peuple aussi. Et comme ils sont nombreux, ce genre de catégorie de personnes qui font ce genre de travail sale et diabolique aujourd'hui, hein, ils corrompent le peuple, ils corrompent les dirigeants en leur faisant croire que la réforme c'est le mal. Donc ensuite, juste pour vous donner un exemple aussi à ce sujet-là, par rapport à qu'est-ce qui se produit maintenant dans plusieurs pays, en Europe, en Belgique, en France, même ici maintenant au Québec, il y en a beaucoup qui parlent de ça, par rapport aux musulmans qui vivent dans les pays européens ou en Amérique, hein, il y a une catégorie des koufars qui essaient d'inciter les dirigeants et les politiciens contre l'islam et contre les musulmans. Et ils veulent faire croire aux dirigeants, à leurs dirigeants, que s'ils laissent les musulmans pratiquer l'islam dans leur pays et construire des mosquées et pratiquer l'islam et appeler au tawhid et appeler à la sunna, que ça va ramener du mal pour leur pays et que ça va faire en sorte que ça va les faire reculer en arrière, ou que ça va leur donner des problèmes ou des choses de ce genre. Alors qu'au contraire, hein, s'il y a l'islam dans ces pays-là, s'il y a l'islam en Europe, si l'islam est en Europe, si le tawhid rentre en Europe, si la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentre en Europe et qu'elle est acceptée par les gens, et que les gens commencent à se convertir à l'islam et au tawhid, et qu'ils commencent à réformer leur société et à appeler leur population à la ilaha illallah et à Mohammed rasulullah, et à éliminer tout ce qui est d'idoles et d'idolâtrie et de shirk, hein, et de fausses croyances dans leur société, et qu'ils commencent à appeler leur population et les peuples et les dirigeants de ces pays-là à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à accepter que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses, et que c'est lui qui a donné la révélation à l'humanité, par l'intermédiaire des prophètes, et qu'il n'y a pas de loi ou de règlement ou de lois qui ont été révélées à l'homme, à part ces lois, et qu'on doit uniquement se baser sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour établir la justice sur la terre, et que c'est en établissant ces lois-là et cette justice-là qu'on va être capable d'éliminer les problèmes des hommes, et qu'en même temps c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'il y aura de l'harmonie et de la justice, et que on va être capable de, par la suite, d'éliminer tout ce qui peut être mauvais pour les hommes sur la terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, c'est une réforme. Que les femmes, par exemple, sont voilées, c'est quelque chose de bien, que les femmes couvrent leur corps. Mais eux, ces gens-là, ils disent à leurs dirigeants, écoutez, regardez, ces gens-là, ils voilent les femmes. Ils ne veulent pas que les femmes marchent dans la rue, à moitié nues, ou avec des vêtements qui dévoilent leur forme et leur corps. Donc pour eux, que la femme marche à moitié nue, ça c'est quelque chose de bien. Et que la femme se couvre, c'est quelque chose de mal. Donc ils renversent les choses à l'envers. Que les gens, ils disent, si vous laissez les musulmans dans votre pays, les gens pourront plus, par exemple, adorer des idoles, adorer des statues, commencer à pratiquer ouvertement le shirk et appeler au kufr. Pour eux, ça c'est quelque chose de mal. Alors que c'est le bien, puisqu'il y a un seul créateur, il y a un seul Dieu, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et également, ils disent, si l'islam est établi dans ces pays, dans nos pays, on ne pourra plus faire le zina publiquement. On ne pourra plus appeler au zina, on ne pourra plus appeler à l'homosexualité. On ne pourra plus appeler à la corruption et désordre et faire de l'argent avec tout ce qui est mauvais, avec les loteries et les ventes de l'alcool. On ne pourra plus faire ça. Donc ça c'est tout ce, en fait, ils blâment l'islam et les musulmans pour tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Et ils le montrent comme étant quelque chose de mal. Ils déforment la réalité pour faire croire aux gens que l'islam c'est quelque chose de mauvais, et yani que le kouf et le shirk et les péchés c'est quelque chose de bon. C'est comme ça qu'ils font encore aujourd'hui. Ils faisaient ça à l'époque et ils font ça encore aujourd'hui, donc ça c'est de cette manière là que ces gens là procèdent. Et il y en a des musulmans, malheureusement, ils n'ont pas compris cette ruse et ils tombent dans le piège. Et au lieu de défendre la vérité devant les koufars et de dire aux koufars, écoutez, qu'est-ce que vous dites? C'est le contraire. Le fait que vous soyez, le fait que vous connaissiez l'islam et que vous acceptiez la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et que vous entriez dans l'islam, c'est pas quelque chose de mauvais pour vous. Le fait que vos femmes commencent à se couvrir correctement et se voiler, c'est pas quelque chose de mauvais pour vous. Le fait que vous cessiez de boire de l'alcool, c'est pas quelque chose de mauvais pour vous. Le fait que vous cessiez de pratiquer l'homosexualité et l'adultère et la fornication, et que vos enfants cessent de prendre de la drogue et ce genre de choses, ça c'est pas quelque chose qui est mauvais pour vous. Le fait que vos enfants cessent de faire des crimes ou des choses mauvaises dans la société, ça c'est pas quelque chose qui est mauvais pour vous. Tout ça c'est quelque chose de bien pour vous. Pourquoi vous rejetez le bien que l'islam vous amène et que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre? Donc, ça c'est des exemples. Ça c'est des exemples. Il y en a qui profitent de la corruption et du désordre qui existe dans les sociétés occidentales soit pour se remplir les poches, ou bien soit pour profiter de quelque chose dans la dunya ou d'autres choses de ce genre. Et le fait qu'ils voient l'islam prendre de plus en plus de la place et de prendre de plus en plus de la force, ça les dérange. Donc, bien entendu, on est conscient, on reste conscient que la réalité actuellement des musulmans, c'est une triste réalité, puisque beaucoup de musulmans sont loin de l'islam et n'appellent pas au tawhid et ne font pas leur. N'ont pas la capacité non plus de le faire et ils ne le font pas. Il y en a même quand ils ont la capacité de faire la da'wa, ils ne le font pas, malheureusement. Et donc, la réalité aussi parfois, c'est que, au lieu que ce soit les musulmans parfois qui donnent le bon exemple et qui appellent les kuffars au bien, parfois, malheureusement, c'est le contraire qui arrive, c'est que beaucoup de musulmans, c'est eux qui se laissent influencer par les kuffars et qui par la suite font le contraire de ce que l'islam ordonne. Donc tout ça, c'est des réalités qu'il ne faut pas nier, mais quand même, c'est pour dire que nous, on est conscient de, quand on parle de l'islam lui-même et des choses auxquelles l'islam, vers lesquelles l'islam appelle, les bases et les fondements et les principes et les enseignements de l'islam, tout ça, il y a le bien dedans. Il n'y a pas de mal dedans. Et on invite, on doit inviter tout le monde, les chrétiens, les juifs, les athées, les laïcs, les démocrates, les autres, les communistes, tous les koufars, à abandonner leurs fausses croyances, à abandonner leurs mécréances, à abandonner leurs idolâtries, leurs shirk, et à accepter le tawhid et l'islam, et à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sinon, ils vont être tous dans l'enfer au jour de la résurrection. Et ça, c'est un jour qu'ils ne peuvent pas s'en échapper. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à ces gens-là. Après, le cheikh, il dit donc que, il y a toujours eu cette catégorie de personnes qui ont cette tâche diabolique d'essayer d'éloigner les gens de ce qui est bien, que ce soit les dirigeants ou le peuple. Donc c'est ça ce qu'on voit actuellement. Subhanallah, ils essaient de faire peur aux dirigeants à propos des musulmans. Et il leur fait peur en se basant parfois sur les actes de terrorisme que certains égarés commettent dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Donc ils disent, regardez, ces musulmans-là sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils font des actes de violence et du terrorisme. Alors que ceux qui pratiquent le terrorisme parmi ceux qui sont musulmans, ce sont des gens qui ne se basent pas sur l'islam pour faire ça. Ils se basent sur des idéologies qui viennent des koufars eux-mêmes et qui parfois sont influencées par les koufars ou qui sont payés par des koufars pour commettre ces actes-là et qui sont manipulés même par les koufars. Donc c'est pour dire que eux, ils utilisent ces groupes-là que eux-mêmes ont créés et qu'ils contrôlent eux-mêmes pour discréditer l'islam puis par la suite inciter la population et les dirigeants contre l'islam et les musulmans et leur faire peur. Donc ça, c'est vraiment une ruse incroyable qu'ils utilisent, mais alhamdulillah, un jour ou l'autre, déjà la vérité elle est claire, mais alhamdulillah, un jour ou l'autre, elle va être claire pour de plus en plus de personnes et de plus en plus de monde. Donc il dit ensuite qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, ces gens diaboliques, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent les gens vers le gouffre, vers la perdition. Et ils se tiennent devant les gens qui sont des réformateurs. Et ils leur déforment et ils falsifient les réalités. Et ils essaient de tromper ceux qui sont au pouvoir. Ce sont les mauvais conseillers. Ceux qui essaient de se mettre entre les responsables politiques et les gens qui appellent à la vérité et qui donnent la nasiha pour faire en sorte que les responsables et les dirigeants n'acceptent pas la nasiha et le bien. Et le cheikh dit, oh Allah, il fait un dua, il dit, oh Allah, réforme les responsables des affaires des musulmans et les dirigeants dans les pays musulmans, réforme leurs conseillers pour qu'ils soient de bons conseillers et fais d'eux des gens qui sont des gens guidés et qui guident les autres. Donc c'est parmi les principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a qu'on doit toujours faire des invocations pour nos dirigeants et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les réformer, de les améliorer, de les pardonner et de les guider. Donc, on voit l'exemple ici du Cheikh Al-Fawzan qui nous montre cet exemple, hein, des ulama qui suivent la voie des salaf al-salih et qui font des invocations pour les dirigeants musulmans. Donc, alhamdulillah. Et en ce qui concerne les kuffars, yani, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala en général de les guider à l'islam, hein, et de leur faire voir la vérité. Hein. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire que des kuffars, des dirigeants kuffars se sont convertis à l'islam, hein, et qui sont devenus musulmans par la suite. Donc, ensuite, le cheikh il dit « Amma ramyuhum iyahum bintiqas alihat al-malik kama fil ayah فإن هذه المسألة تابعة لما قبلها مما ذكر الله في الآية من خبر آل فرعون حيث قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يعنون ألوهيتك على الناس وعبادتهم لك يقولون أنت لك شأن ولك عظمة في الأرض فلو تركتهم يدعون إلى الله تنقصوك عند الناس وأرخصوك عند الناس فأنت بادر بالقضاء عليهم من أجل أن تبقى لك هيبتك ومكانتك وهذا من الغش لفرعون وتعريضه للهلاك ويا سبحان الله يتنقصون الله جل وعلا رب السماوات والأرض ولا يعيبون هذا على أنفسهم ويعيبون على موسى وقومه إذا نصحوا فرعون وقومه ودلوهم على طريق السعادة والنجاة وبقاء الملك وصلاحه وهكذا تفعل بطانة السوء دائما وأبدا ولهذا على الولاة أن يتخذوا البطانة الصالحة الناصحة ويحذروا من بطانة السوء وأصحاب المبادئ الهدامة والأفكار المنحرفة فإنهم يقودونهم إلى الهاوية كما حصل من بطانة فرعون حيث أوقعوه في الهلاك والبوار وحالوا بينه وبين قبول الحق. الشيخ en ce qui concerne le fait qu'il prétendait que Yani Pharaon allait diminuer de la divinité du roi, hein, ou de Pharaon, hein, comme c'est mentionné dans le verset 128 dans Surat Al-A'raf, hein, ça c'est la même chose que qu'est-ce qu'on avait mentionné dans le point précédent, dans les points précédents, hein, lorsque yani les proches de Pharaon ont dit: est-ce que tu vas laisser Moïse et son peuple faire le désordre sur la terre et qu'ils vont t'abandonner et abandonner ta divinité? Qu'est-ce qu'il veut dire par ilahatak? Il veut dire ulouhiyatak al-nas, c'est-à-dire le fait que les gens t'adorent. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ces conseillers de Pharaon? Ils disent: tu as ton importance, tu as ta grandeur sur la terre, hein? Et si tu laisses ces gens-là appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont te diminuer, ils vont te rabaisser devant les gens, ils vont te faire voir petit par les gens, ils vont te faire considérer comme étant quelque chose, quelqu'un qui n'est pas important. Alors, dépêche-toi d'éradiquer ces gens-là, de te débarrasser d'eux, pour que tu puisses garder ton importance et ton statut. Et, bien entendu, on voit que ça, c'est une forme de trahison et de tricherie que ces conseillers-là font à Pharaon. Et il l'amène vers sa perte. Hein. Et en réalité, c'est ce qui est arrivé. Ils l'ont amené à sa perte à la fin. Puisqu'on sait comment Pharaon a terminé. Hein. Il est terminé. Comment il a fini. Donc c'est comme ça que les conseillers, les mauvais conseillers, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Ils font toujours des problèmes. Hein. Et ils essaient toujours de mettre de pourquoi souvent? Parce que ces conseillers-là, ils profitent de leur position vis-à-vis de ceux qu'ils conseillent, vis-à-vis de Pharaon par exemple, ceux qui étaient les conseillers de Pharaon, ils profitent de leur position qu'ils ont auprès de Pharaon parce que ça leur donne une importance, ça leur donne un respect de la part des hommes, ça leur donne de l'argent aussi, puisqu'ils sont les conseillers de Pharaon, et ainsi de suite. Donc ils en profitent de ça. Et ils savent que si Pharaon accepte la nasiha de Moussa, alayhi salam, et qu'il accepte la nasiha de Moussa, ils vont perdre leur statut ou leur position de conseiller auprès de Pharaon. Et Pharaon va prendre d'autres conseillers que eux. Alors, étant donné qu'eux, ils veulent garder leur position de conseiller, hein, même si ce sont des mauvais conseillers, ils veulent garder cette position-là, alors ils essaient de mettre Pharaon contre Moussa alayhi salam. Et le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il dit, oh subhanallah, regardez comment ces gens-là, ils rabaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils essaient de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala, de dénigrer le Seigneur des cieux et de la terre. Et ils ne considèrent pas ça comme étant un défaut ou un blâme contre eux-mêmes. Mais ils blâment Moïse et son peuple de donner la nasiha à Pharaon et au peuple de Pharaon. Et il considère qu'il appelle à rabaisser Pharaon. Rabaisser Pharaon, pour eux, c'est grave. Mais rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est pas grave pour eux. Donc, le cheikh, il dit, si Pharaon et son peuple donnent la nasiha à Pharaon et indiquent à Pharaon la voie vers le bonheur et vers le salut, hein, et vers le fait que son royaume va rester, il va être réformé, ça pourrait être considéré comme étant quelque chose de blâmable. Et ça, c'est le comportement de tous les mauvais conseillers à toute époque. Ils sont toujours comme ça. Et le cheikh dit, c'est pour ça que les dirigeants, ils doivent faire attention à qui ils prennent comme conseiller, et qu'ils doivent prendre des conseillers qui sont bons, qui sont pieux, qui sont sincères, et qui vont leur donner des bons conseils, des conseils qui vont les amener vers le bien pour eux-mêmes et pour leur peuple dans cette dunya et dans l'akhira, hein? Et ils doivent également prendre garde, faire attention aux mauvais conseillers, ceux qui possèdent des idées, des idéologies qui sont contraires à la foi, des idéologies de kufr et de shirk qui sont déviées. Donc, si le dirigeant ou le responsable, il prend comme conseiller des gens qui ont des idéologies de kufr ou de shirk ou de bid'a ou d'égarement, il risque de se faire affecter par ces idées-là. On a l'exemple de Al-Ma'mun à l'époque, de l'imam Ahmed, comment ils ont été influencés, hein, comment il a été influencé par les Mu'tazila et comment à la suite il a accepté leur idéologie. De même que également, il y a d'autres dirigeants à différentes époques, quand ils ont eu des conseillers parmi les gens de bid'a ou bien parmi les gens qui ont des idéologies contraires à la vérité, ils ont été égarés par ces gens-là. Donc le dirigeant, il doit faire attention, surtout à notre époque. Si quelqu'un, il a des conseillers, par exemple, un dirigeant, il a des conseillers parmi les gens qui ont des idées de laïcité ou de démocratie, ou bien des idéologies des koufars, yani des occidentaux, ou bien des mécréants de l'Europe, eh bien, ils essaient d'appeler les dirigeants à accepter les idéologies des koufars, hein, et à laisser passer tout ce qui est contraire à l'islam, et à interdire tout ce qui est islamique dans leur pays, dans leur société. Donc, ils doivent faire attention à ce genre de munafiqin, à ce genre de mauvais conseillers, hein, parce qu'ils peuvent aller les voir puis leur parler et leur dire comme conseil, si vous voulez que votre pays soit évolué, vous voulez que votre pays soit moderne, vous voulez que votre pays soit considéré comme un pays, hein, qui avance, hein, qui se développe, il faut suivre la voie et les idées de l'Occident, les mentalités de ces gens-là. Il faut accepter la mixité, accepter que les femmes se montre sans voile, il faut accepter l'égalité des religions, il faut accepter la liberté de croyance, la liberté de shirk et de kufr, il faut accepter l'homosexualité dans vos pays, il faut accepter toutes ces différentes choses-là. Hein. Et donc, le dirigeant, lui, s'il a une foi qui est faible, ou bien s'il est pas avec une aqida solide, il risque de se faire influencer ou de céder. Surtout si on lui fait toutes sortes de pressions de la part des gouvernements occidentaux ou autres, on peut essayer de l'influencer avec d'autres sortes de choses aussi, de l'argent ou d'autres choses de ce genre. Donc ça, c'est des gens qui sont des mauvais conseillers. Et le cheikh, il dit, il les amène vers le feu, vers l'enfer, les amène vers le gouffre. Comme c'est arrivé avec les conseillers de Pharaon. Ils ont fait tomber Pharaon dans la perdition. Et ils se sont tenus entre Pharaon et le fait d'accepter la vérité. Ils ont empêché Pharaon d'accepter la vérité. Ils ont été une cause là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose d'un exemple de mauvais conseiller. Ensuite, il dit « وَأَمَّا رَمْيُهُمْ إِيَّاهُمْ بِتَبْدِيلِ الدِّينِ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ فِرْعَوْنَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ وَرَمْيُهُمْ إِيَّاهُمْ بِانْتِقَاسِ دِينِ الْمَلِكِ كَقَوْلِهِمْ وَيَظْهَرَكَ وَآلِهَتَكَ فهاتان المسألتان حصلتا من فرعون في حق كلم الله موسى عليه السلام ودعوته وتحذيره للناس من قبولها وتظاهره بمظهر الناصح للرعية وجاءهم عن طريقة النصيحة والمحافظة على الدين والمحافظة على صلاح الأرض أو أن يظهر في الأرض الفساد كما قال أتباعه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض سموا المصلحين بالمفسدين والفساد عندهم هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة والصلاح هو الشرك لأن القلوب إذا فسدت رأت الحق باطلا والباطل حقا ومن هو الذي يبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد إنه فرعون الذي بدل دين التوحيد بالكفر والشرك أما موسى عليه الصلاة والسلام فإنه يدعو إلى الدين الصحيح الذي خلق الله الخلق من أجله والذي هو صلاح في الأرض لأن الأرض لا تصلح إلا بعبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو صلاح الأرض أما الشرك فإنه فساد في الأرض والكفر فساد في الأرض والمعاصي فساد في الأرض. Donc le cheikh, il explique donc ce dernier point-là. Il dit dans ce point que ils ont accusé Pharaon de vouloir changer la religion des gens, comme il le mentionne dans le verset surat Ghafir, verset 62. Il dit Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les paroles de Pharaon. Il dit: je crains qu'il change votre religion ou qu'il fasse paraître là le désordre sur la terre. Et comme il les accuse également de vouloir rabaisser de la religion qui est, ou de l'adoration qui est vouée à Pharaon, comme les gens qui faisaient partie des fidèles de Pharaon, qui disaient à Pharaon qu'ils vont t'abandonner et cesser de t'adorer, ou des choses de ce genre, dans le verset 127, dans Surat Al-A'raf qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc ces deux points se sont produits à propos de l'histoire de Moussa alayhi salam et de sa da'wa à Pharaon, et du fait que Pharaon a averti les gens contre le fait d'accepter la da'wa de Pharaon. Pharaon a averti les gens contre le fait d'accepter la da'wa de Moussa alayhi salam. وَتَظَاهُرُهُ بِمَظْهَرِ النَّاصِحِ لِلْرَعِيَّةِ. Ils se sont présentés comme étant, il s'est présenté, Pharaon s'est présenté comme étant un bon conseiller pour son peuple, en disant: moi je veux vous protéger contre Pharaon, contre sa da'wa, Il veut faire du désordre sur la terre. Il veut changer votre religion. Moi, je veux vous protéger contre lui. Hein? Et donc, ça, c'est comme ça que les gens essaient toujours de présenter les choses lorsqu'ils appellent au désordre et à la corruption. Ils essaient de faire croire aux gens qu'ils appellent au bien et à la droiture. C'est comme maintenant les gens, quand ils, hein, dans les pays occidentaux, quand ils veulent faire peur à la population, ils leur parlent de l'islam et des musulmans. Ils leur disent, moi, nous on veut vous protéger contre les musulmans et contre leur religion. Et comment ils maltraitent les femmes et des choses de ce genre. Hein? Ils les voilent et tout, c'est des méchants. Donc ils essaient de faire passer les musulmans pour des méchants. Tandis que eux, hein, avec leur boîte de nuit et leur, leur bêtise là, comment ils maltraitent les femmes et tout, eux, ils ne veulent pas hein, montrer ça comme étant quelque chose de mal. Ils montrent ça comme étant quelque chose de bien. Tout ce qui détruit le bien dans la société, ils le prônent. Et ils le montrent comme étant quelque chose de positif. Tout ce qui détruit la famille, ils le montrent comme étant quelque chose de bon et de positif. Hein? Et tout ce qui est islamique et qui protège la morale, qui protège le bien, qui protège la famille, les bonnes mœurs, ils le montrent comme étant quelque chose de mauvais et de négatif. Donc, ils se montrent comme étant des bons conseillers, comme étant des gens qui veulent le bien de leur peuple et de leur population, alors que ce sont eux les premiers ennemis de leur peuple et de leur population, et ils amènent leur peuple vers l'égarement et vers la perdition dans cette vie et dans l'au-delà. Hein? Donc ça, c'est dangereux. Et donc le cheikh, il dit, il leur a parlé comme étant quelqu'un qui veut le bien, qui était sincère pour eux, qui était un bon conseiller, qui leur donne la nasiha et qui veut protéger leur religion et qui veut protéger la réforme sur la terre, hein, et le bien. Donc comme dans le verset 62 qu'on a lu tout à l'heure dans sourate Ghafir, hein, qu'il veut empêcher Pharaon de faire Moussa de faire le désordre sur la terre. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure dans l'autre verset 168 dans sourate Al-A'raf. Donc ils appellent les gens qui appellent à la réforme des gens qui veulent faire la corruption, les corrupteurs. Mais le cheikh, il dit que la vraie corruption la corruption pour eux, c'est quoi? C'est le tawhid et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration et de vouer un culte uniquement à Allah. Hein? Et pour eux, la réforme, c'est quoi? Et le bien, c'est quoi? C'est le shirk. Donc, ils ont renversé la religion en entier. Donc, pour eux, aujourd'hui, le bien, c'est le fait qu'ils ont des lois et des chartes qui disent aux hommes, vous pouvez adorer tout ce que vous voulez et tout est permis. La liberté de religion, la liberté de shirk, la liberté de kufr. Vous pouvez adorer ce que vous voulez. Vous pouvez adorer la croix, vous pouvez adorer les idoles, les statues. Vous pouvez adorer le créateur de l'univers si vous voulez, hein, mais vous n'êtes pas obligé. C'est libre à vous. Et vous pouvez adorer rien du tout aussi. Tandis que si ils faisaient ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire, et ce qui est écrit même dans leur propre livre, c'est-à-dire d'ordonner aux hommes d'adorer Dieu seul et d'interdire et de rendre illégal et interdit l'adoration d'autre que Allah, le créateur de l'univers, hein, ça, ils ne l'acceptent pas. Donc, pour eux, le bien, c'est le shirk et le mal, c'est le tawhid. Hein? Donc le cheikh, il dit, et qui était réellement en train de changer la religion et de mettre le désordre sur la terre? La réalité, c'est que c'est Pharaon. C'est lui qui a changé la religion du tawhid par le kufr et le shirk. Mais Moussa, lui, Moussa alayhi salam, c'est le contraire. Il appelle les gens à la vraie religion. La religion pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout l'univers, hein, toutes les créatures. Il a créé tous les hommes pour cette adoration-là, pour cette religion-là, c'est-à-dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est dans ça qu'il y a le bien pour la terre, et c'est dans ça qu'il y a la réforme pour la terre, parce que la terre ne peut pas être réformée, ne peut pas être bien, excepté dans l'adoration de Allah seul, hein, sans aucun partenaire et associé dans l'adoration. Et ça, c'est la réforme de la terre. En ce qui concerne le shirk, c'est là-dedans qu'il y a le désordre et dans le kufr, c'est là-dedans qu'il, le kufr, c'est là-dedans qu'il y a le désordre sur la terre. Et les péchés, c'est là-dedans qu'il y a le désordre sur la terre. Donc, c'est kuffar à l'époque de Pharaon et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Hein? Pour eux, la réforme, c'est le kufr, c'est le shirk, c'est les péchés. C'est ça le bien. Et de cesser de faire le kufr, de cesser de faire le shirk, hein, d'adorer Allah seul, et de cesser de faire des péchés, pour eux, ça c'est la réforme. Donc ils renversent la réalité et ils trompent les gens et ils jouent avec l'esprit des gens. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, avec ces points-là qu'on a expliqués, et on continuera demain, bi'idhnillah, avec la suite des différents points dans Masa'il al-Jahiliyyah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc juste pour rappeler que le cours maintenant il va se donner à 13h30 pour les gens du Canada, 19h30 pour les gens de la France. Donc à demain inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.